chocolat manger. Paris, ça me fait envie. Allez, on dirait qu'il est jaune aussi. Regarde le chocolat, comment il est. Il est pas un peu. C'est pas un peu du vomi. C'est un gâteau. Et ça me fait juste un gâteau, ils sont forts. On va voir comment ça va être. Ils n'auront pas les siens. En fait, j'ai dit que la compagnie, ils sont barrés, il y a tout dans le feu. Ils touchent pas, j'ai l'air des conneries. Mais il va jamais monter jusque tout là-haut, leur truc. Bon, tu sais, les filles, elles sont compliquées. Il n'y a pas un petit lit chocolat. Ah, une tablette. Oh là là. Bien gonflé. Ah, là aussi, il y en a. Une casserole, il y en a une. Allez, on va une casserole.